Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie avec une belle brochette de comédiens. La société Muller organise une réception à l'occasion du lancement d'un nouveau produit. Au cours de la soirée, on découvre qu'il s'agit en réalité d'un exercice de coaching pour les cadres de l'entreprise. Progressivement, les rumeurs vont bon train sur le rachat prochain de la société et chacun se retrouve à tenter de sauver sa place. Donne-moi 3 mots pour définir les nouveaux conditionnements. Alors, clarté, tendance, adaptation. Premier objectif de l'épreuve, faire admettre à son coach l'augmentation de la capacité de production. L'épreuve est notée sur 20 points. Je sais pas si je vais y arriver, Damien. Non, te stresse pas. Dis-toi que le mec t'as en face, c'est juste un acteur qui apprend le minimum à chaque fois qu'il bosse pour une boîte. Bonjour, madame. Enchanté. Ah tiens, Bruno, comment vas-tu? Natacha Gauthier. Excusez-moi, j'ai rien mangé avant de venir. Mais il est parti. C'est une mise en situation cocktail, madame. Il faut me dire ce qui se passe. Un jeu idiot pour cadre qui s'ennuie. Mais c'est pas un jeu. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes dingue ou quoi? Ah, si vous fermez votre gueule, c'est que vous êtes au courant, c'est encore pire que tout ça. Vous devriez arrêter de boire. Rien de personnel. Une comédie de Mathias Gokalp avec Jean-Pierre Darroussin, Denis Podalydès, Zabou Bretman, Mélanie Douté. Un DVD France Télévisions Distribution.